Chapitre 5. Dès la parution des journaux du matin qui relataient le mystère du taxi sanglant, les témoignages se mirent à affluer au bureau du commissaire Herbault. Comme dans tous les cas semblables, la plupart d'entre eux n'avaient aucune importance, sinon dans l'imagination de ceux qui les relataient, rêvant déjà de voir leur nom dans les journaux. C'était un dur travail de vérifier toutes ces déclarations. Mais rien ne devait être négligé. Dans la masse des renseignements inexacts, s'en glisserait sans doute un qui conduirait directement à l'assassin de l'inconnu. En ce moment, un homme sortait du bureau du commissaire après avoir affirmé qu'il avait voyagé avec Jacques Régnier dans un train en partance pour Le Havre. Nul doute qu'il ne veuille quitter la France et tenter de gagner l'Amérique, avait-il affirmé d'une voix vibrante d'émotion, car la sensation qu'il avait d'être mêlé à cette affaire le remplissait de joie. Les remerciements polis d'Herbault pour son aide le portèrent au sommet du bonheur. Il se croisa avec un nouveau témoin qui entrait et le toisa dédaigneusement. Encore un qui croyait savoir quelque chose. Le nouveau venu était un artiste de Montparnasse, fort connu dans les boîtes de nuit. « Je ne sais presque rien, s'excusa-t-il, mais l'indice que je vous apporte peut vous servir. J'étais vers 4 heures du matin dans un bistrot près de la gare Montparnasse, quand j'entendis un chauffeur de taxi qui racontait en riant qu'il avait chargé, vers 1h03, un jeune homme en gris fort bien vêtu et dont la description s'accorde avec celle de l'homme que vous recherchez. Il était dans un quartier populeux de la place d'Italie et traînait 2 valises sous la pluie. « Au Claridge, dit-il. » Or, ce n'est pas souvent qu'on rencontre des clients du Claridge dans ces parages et portant eux-mêmes leurs bagages. Il y a à cela quelque chose d'insolite. C'est pourquoi le chauffeur en parlait, faisant maintes réflexions. Le commissaire prit le téléphone et donna l'ordre de rechercher le chauffeur en question. À cette heure-ci, il devait dormir, mais il fallait qu'on le découvre d'urgence pour identifier l'homme conduit par lui. Pendant qu'on faisait les recherches, il reçut encore un rapport de l'agent 1799 qui avait relevé le numéro du taxi sanglant alors qu'il stationnait non loin de la gare de Lyon, et la visite d'une jeune personne, encore bouleversée par le visage de Bernier, qui lui avait interdit de monter dans sa voiture. « Si vous l'aviez vu !» fit-elle avec un effroi rétrospectif. « J'allais ouvrir la portière, il m'en a empêché, et j'ai senti qu'il était capable de me tuer si j'allais contre son désir. Je suis sûre que le cadavre était dans la voiture à ce moment. » « J'en suis également certain, » repartit le policier. Il voyait l'homme traqué, après son crime, se débarrassant du cadavre qu'il avait dévalisé et s'essayant ensuite à mener la grande vie, ainsi que font toujours les individus crapuleux qui commettent des crimes semblables. Il avait maintenant la trace de l'assassin. À quoi bon attendre l'arrivée du chauffeur? L'ennui, c'était le manque de cadavres. De quoi accuserait-il Régnier s'il le trouvait? Le corps du délit est la première chose exigée par le code. Moralement, il était sûr qu'il y avait eu crime. Tout dans l'attitude de Régnier l'indiquait. Mais il était incapable de le prouver. Il serra les poings et décida « Je le ferai avouer ». Il était maître en l'art d'obtenir les confidences des criminels. Il userait de sa dialectique serrée, blufferait, accuserait. Il saurait très vite. À ce moment, le téléphone sonna. On lui annonçait, du laboratoire municipal, que la tache relevée sur l'appui-bras de la voiture était bien une tache de sang du groupe 4. On avait également analysé du sang du même groupe, mêlé à de l'eau du fleuve, sur le tapis de la voiture. Oui, l'eau pouvait être celle de la Seine, dans un endroit assez proche de Paris. « Merci !» cria Herbault en raccrochant joyeusement. Donc, son crime accompli, Régnier avait immergé le cadavre. Cette indication lui permettrait de confondre l'assassin. Il appuya sur un bouton. Aussitôt, un inspecteur se présenta. Accompagnez-moi au Claridge et emportez avec vous une paire de menottes. » Une arrestation, patron ? Je l'espère, à moins que mon client ne soit déjà parti. Mais nous le retrouverions très vite. Le commissaire et son aide montèrent dans une voiture de la police qu'un agent conduisit au palace des Champs-Élysées. Certain de la réponse, Herbault demanda à la réception le numéro de la chambre occupée par M. Régnier. Régnier, je ne crois pas que nous ayons ici un client de ce nom. L'employé parcourut un registre. Non, je regrette, M. Régnier n'est pas descendu ici. Herbault sourit, puis s'étant nommé. Alors voulez-vous me dire quels clients sont arrivés chez vous depuis 1h30 ce matin ? De nouveau, l'employé consulta son registre. Nous avons eu 3 entrées. M. Barène, qui venait de Saïgon et qui est arrivé par le train de 1h47, et Mr. et Mrs. Benson, qui sont venus de Londres avec leur voiture. Herbault hocha la tête. M. Barène est arrivé vers 2h du matin. Le réceptionnaire devint loquace. Oui, mais il devait venir par le train de 7h10. Il nous avait câblé son arrivée du bateau qui l'amenait en France. Le commissaire se perdit dans ses pensées. L'histoire s'embrouillait. Si c'était vrai que Barène avait annoncé son arrivée, ce n'était pas possible que cet homme fût Régnier. Il attira le registre à lui. Mr. et Mrs. Benson, solliciteur, Holmoon Street, né en 1889. Cela sonnait respectable. Impossible pour un homme de 30 ans de se cacher là-dessous. Pour en avoir le cœur net, il décida de parler à ce Barène, mais sa belle assurance était partie.